Seguida por António Jorge. Fim de hora com What Christmas Means to Me. É Stevie Wonder. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Bonjour, bienvenue à Poche Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Rifilo, on est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'espère que tout va bien avec vous. J'ai été joué Post Malone avec Circles. Maintenant, je vais jouer Indila avec Tourner dans le vide. Bon lundi. So when you're gone, she thinks it's special, but it's so reused. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Que quand il tient, hein, même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. Hein, j'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. Hein, en possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Hein, quelle ironie de mourir en position fétale. Hein, je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Hein, et je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. Hein, on verra bien, l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens en y prend. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as vu, je te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et puis rater. Ça vit pas de projet à part mater les DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre, hein. Plus on s'en fout, et moins on voit clair, hein. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit, hein. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit, hein. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue, hein. Mon papa me croit pas, mais ça sente le tabac froid, hein. On se fait chier au taf, on attend les campagnes, hein. On se parle derrière un ordi, mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit, hein. On verra bien, l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens en y prend. On verra bien, l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Et que t'aies pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. Qu'on est tous dans le même bateau, même ceux que l'on aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi, à part le matin d'une perquise. Pendant que tes copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui, je pense qu'à m'amuser, mais pour la coupe, j'ai donné de skill. Escrew, 995, on a rien à foutre de rien. Blackbird, sauvage. On a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers. On marche avec des têtes. On se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains. Parfois je pense avec ma. Mais je touche avec mes pensées et j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Ça c'est Poche Pop Music and Lifestyle Show, sûrement en radio Arc-en-ciel. J'ai joué Nick Faux avec On Verra, j'ai joué Class Animals, je m'appelle Rifilé. In the middle of June, E-Wave's been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, E-Wave's been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, E-Wave's been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. La scène, tu n'es pas sous, Paris est sous la No one can hurt you. straight to my head. What would they say instead? Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, radio Arc-en-ciel toute la journée. Et le soleil, je m'appelle Rifila, ça s'approche pop music and a lifestyle show. J'ai joué Billie Eilish avec Everything I Wanted. Maintenant, je vais jouer Christophe May. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Le bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Je rends JML sur Arc-en-Ciel Orléans. Ça c'est Poche Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Refile. Je joue Zaho avec Tourner la page. Maintenant, quelqu'un qui a tenu la page dans Le Roi, l'histoire de Le Roi, c'est la princesse Léonore a effectué hier son premier vol en solo dans le cadre de sa formation militaire à l'Académie générale de l'air et de l'espace de Saint-Gervière, comme l'a fait savoir non sans fierté la maison royale sur son site internet. La fille du roi Philippe et de la reine Letizia Ortiz est entrée dans l'histoire hier et devenant la première femme de la famille royale espagnole à effectuer un vol en solitaire alors qu'elle termine son quatrième mois de formation théorique et pratique dans l'armée de l'air et de l'espace. Elle y suit ses séquences d'élite après être passée par l'Académie militaire de Saragosse de l'armée espagnole et dans la marine à l'école militaire navale de marine à Pontevedra. Ouais, félicitations à elle. Au cours de cette période de formation, la princesse des Autriches a suivi un programme d'instruction intensif visant à acquérir des connaissances astronautiques et à apprendre à piloter le modèle d'avion dans lequel elle s'entraîne et vole, le modèle PC-21 de l'avenir Swiss Pilotes. Cette préparation est complétée par d'autres cours visant à approfondir la connaissance de l'organisation, de la structure et du fonctionnement de l'armée de l'air et de l'espace. Félicitations à elle. She has absolutely changed history in the royal family. And for that, we say kudos to her. I'm going to play Lizzie McAlpine with Ceilings because that's exactly what Leonora has done. She has broken ceilings in the royal family. Ceilings, plaster, can't you just make it move faster? Lovely to be sitting here with you. You're kinda cute, but it's raining harder. My shoes are now full of water. Lovely to be rained on with you. It's kinda cute, but it's so short. Then you're driving me home, and I don't wanna leave, but I have to go. You kiss me in your car, and it feels like the start of a movie I've seen. Bed sheets, no clothes, touch me like nobody else does. Lovely to just lay here with you. You're kinda cute, and I would say all of this, but I'd j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, chaga. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Mélodrame. Ça fait si mal, oh, ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, chaga. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne. Page pleine, surtout sur les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même plus rien. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Tu ne veux plus vivre. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Elle est réelle, ouais. Ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son qui t'aurait pas. Chaza, y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. Jamais vraiment j'ai dit ta valentine. Du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je peux être coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Whenever you're cold, went little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. Was. only I'd have known you had a storm to weather. So Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ça, c'est Poche Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Refilo. Tu me trouves seulement en radio Arc-en-ciel. J'ai joué Louis Capaldi avec Before You Go. You know, before you go on holiday, there's certain things that you need to take care of at home or with your friends. And then you can go on holiday, as this is the week where everybody is traveling to somewhere or from somewhere. Now I'm going to play Mika avec El Medi. Chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as, t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Found someone to commit to, and that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I Question how much of this I deserve, what I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, let the players play, I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. If I'd get there quick or if I was a man. Je cherche mon chemin, je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien, et je pars voyager en pensant à demain. Wow, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Bonjour, ça c'est Poche Pop Music and Lifestyle Show. Je m'appelle Rifilo, on est ensemble jusqu'à 16h aujourd'hui. J'ai joué Luen avec Avenir. Maintenant, je vais jouer Harry Styles avec Adore You. Chanter ce refrain, c'est l'hymne de nos campagnes. de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use des cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, et il y a la mer, et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Drink from my cup, within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this. Down in the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to take. In the middle of the night, in the middle of the night, I'm wide awake, I crave your. Sur Arc-en-Ciel Orléans. That was Ellie Dewey with Middle of the Night. And now I'm going to play you Joyce Jonathan with Sayera. Christmas, we're going to play Last Christmas. Tu l'as rejeté cette fois. Je le donnerai à quelqu'un qui veut mon bonheur. À Noël, je t'ai donné mon cœur, mais dès le jour d'après, tu l'as rejeté. Suena, cara, nombre de persona buena, cara, nombre, es igual cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu. Puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Ce monde a le vertige. Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? Ou c'est le bon Dieu qui nous fait? C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane. La FM en couleur. That was Raphaël Cara avec la chanson Caravan. Ça s'approche pop music and the lifestyle show. Je m'appelle Riffy Loué. Je suis avec vous jusqu'à 16h aujourd'hui. I'm going to play now Calvin Harris with Dua Lipa, One Kiss. On the Sunday morning.

Le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. That was Lady Gaga featuring Bradley Cooper with the song Shallow from the movie From a Star is Born. Now, I don't know if you've watched that movie, but it was a very, very sad, sad movie. However, the ending, well, it ended up very well, I suppose, for the type of way it had begun. But you're able to go watch it. I hope you've watched it and you enjoyed it. The movie is A Star is Born. The song Shallow, the artist Lady Gaga featuring Bradley Cooper. My name, Refilwe. This is Posh Pop Music and Lifestyle Show. We've entered the last few minutes together, but don't you worry, there's still some good music coming up, and we're going to be in a very festive mood right about now, and I'll be playing a couple of Christmas songs so that everybody is good and ready for the Christmas day. Now, before we get to that, let me share with you some sports news. Le quatrième rendez-vous de la saison a failli être le bon. Clément Noël est passé à 3 dixièmes de Renova avec la victoire en SLA l'homme lundi 22 décembre à Alta Badi, Italie. Le Français Kiss resterait sur une disqualification à Val de Serre et sur une deuxième place à Gurgel, s'est réassuré mais gardera un peu de frustration. Leader après la première manche, avec 9 cm d'avance sur le Norvégien athlète Lee McGrath, il a été nettement doublé par ce dernier dans la deuxième. Clément Noël devra attendre pour décrocher la 15e victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Le skieur tricolore de 28 ans a manqué la deuxième manche dont il a saigné le 22e temps à 39 centimes de son rival norvégien. Après le premier match, je savais que c'était très serré quand tu refermais le portelon. Forcément, tu préférais gagner, mais le ski que je propose est bon. Je ne suis pas inquiète. A réagir Clément Noël au micro du Eurosport. D'un autre côté, il remonte au classement de la Coupe du Monde de slalom, récupérant la deuxième place à 63 points de Timon Hogan. Quatrième de cette même manche d'Alanta Bandia. Un autre Français s'est glissé dans le top 10 lundi. En l'occurrence, Paco Rassat, c'est lui qui s'est révélé en remportant tant la manche de Galg à boucler l'épreuve à la sixième place et se classe actuellement à la troisième place du classement de la discipline. Victor Martin Jandat a lui signé la sixième place et Steven Amy la 19e place. Donc l'équipe française fait très bien à la jouer là, le skiing. Et maintenant je vais jouer Kinvev featuring Carla avec ce bientôt nous. Vient de commencer, le compte à rebours est lancé. Maintenant plus que 24 jours avant la veille de Noël. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où le visage des enfants se merveille. C'est bientôt Noël. Les rues, les magasins sont remplis de déco. Et ça fait du bien car la nuit tombe tôt. On hérite de sapin le dimanche à huis clos. On ne manque de rien, ton rêve aussitôt. Tu as revêtu son manteau de blanc. Noël reste le plus beau jour pour les enfants. Tout le monde est heureux. couleurs que rien n'efface. Ces moments simples qui font du bien, comme une chanson sur un vinyle. Ces petits rien dont on se souvient et qui font de nous une femme. Comme des milliards de je t'aime qui prennent feu dans le ciel de décembre. Les yeux pleins d'étoiles et de cadeaux. L'amour résonne comme un doux refrain. Je voudrais peindre ce moment sur un tableau. Ces regards complices qui font du bien, ces mots qui illuminent nos pupilles. Cette douce nuit dont on se souvient et qui font de nous une femme. Comme des milliards de je t'aime qui prennent feu dans le ciel de décembre. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ça s'approche pop music and lifestyle show. C'est Valentina avec la magie de Noël. Maintenant, je vais jouer John Lennon. So this is Christmas, and I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family. I will hang out with you next week, Monday, from 2 p.m. until 4 p.m. So don't you worry. I hope you have a very good Merry Christmas and you enjoy it with those you love most and you hold dearest to your heart. Joyeux Noël, à bientôt, John Lennon. So this is Christmas. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. vitrines brillent comme un vieux conte d'enfant. Les rues scintillent, tout le monde va de l'avant. Sur un carton au pied d'un grand magasin, un vieux monsieur serre un sourire dans ses mains. Les gens pressés serrent leur sac contre le froid. Ils ne voient pas le banc qui tremble sous ses doigts. Pourtant ce soir, au milieu de ce décor, il se dit tout bas, Noël existe encore. Dans un souffle, il murmure une prière pour ceux qu'on laisse au bord de la lumière. Noël des oubliés, les fenêtres sans chaque visage. Au quatrième, sans balcon ni grand salon, une mère compte les pièces, la gorge en béton. Son petit dort avec son manteau sur le dos. Elle cache ses larmes derrière un vieux rideau. Dans un couloir des pattes qu'on a trop oublié, une vieille dame fredonne un chant du passé. Personne ne vient, mais sa voix tient encore à ce petit enfant. Quel fut un Noël d'or, Noël des oubliés. Restera dans nos voix, Noël vivra aussi, là, tout près de toi. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas. Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy

C'était un jour vraiment magique. Tant de bonheur, tant de musique. Je reste encore si nostalgique de Noël. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. En route, Zootopie 2 a tout ce qu'il vous faut. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira, 2 da tarde nos Açores. Vamos olhar para as notícias que estão a marcar esta segunda-feira, João Vasco.